existence is futile. Voilà la vérité. Tu marches comme si de rien n'était. Et pourtant tu sais. Quelque part une balle porte ton nom. Elle attend. Patiemment. Elle attend. Resistance is futile.